Chapitre 20. Plaisance devient désert. La lecture de cette lettre causa à Mademoiselle Primrose une surprise et un contentement qu'elle se sentit le besoin impérieux de communiquer à quelqu'un. Elle appela Geneviève et Pélagie. « Mademoiselle Primrose. Eh bien, chère petite, et vous, Pélagie, voilà du nouveau, une nouvelle incroyable. Savez-vous la sottise que fait mon absurde cousin, le seigneur Dormer? Il est parti, parti avec son gredin de Georges. » Pélagie. « Parti ? Pour où donc et pourquoi ? » Mademoiselle Primrose. « Parti pour je ne sais où, ma chère. Et pourquoi, il ne le dit pas, mais c'est pour son gredin de Georges, j'en suis sûre. » Geneviève. « Et quand mon oncle reviendra-t-il ? » Mademoiselle Primrose. « Ah, voilà le plus abominable de l'affaire. Il reviendra quand moi, Pélagie, Geneviève et Ram, nous aurons quitté la maison pour n'y plus revenir. » Geneviève. « Ah, mon Dieu, il me chasse ! Il nous chasse tous ! Et pourquoi ? Qu'avons-nous fait ? » Mademoiselle Primrose. « Voilà ce que vous ne savez pas, pauvres infortunés, et ce que je sais, moi. Il nous chasse parce que Georges est, comme je l'ai dit, un gredin, un gueufier fait, un abominable coquin. » Geneviève. « Mais qu'a fait Georges ? Je ne comprends pas, moi. » Pélagie. « Ni moi non plus, je n'y comprends pas un mot. » Mademoiselle Primrose. C'est que j'avais gardé le secret d'une scène terrible que nous avons eue chez Georges. » Mademoiselle Primrose, enchantée de pouvoir se décharger d'un secret, raconta dans tous les détails, avec les explications les plus accablantes pour Georges, toute la scène qui s'était passée à 3 heures. Elle fit partager son indignation à Pélagie et même à Geneviève, que la douleur de Ram avait beaucoup affligée. Geneviève pleurant. Mon Dieu, qu'allons-nous devenir, mon pauvre Ram, Pélagie et moi? Et vous, ma cousine, qui avez été si bonne pour moi, qui m'avez fait tant de bien, que j'aime tant, vous allez donc nous quitter? Je ne vous verrai plus. » Mademoiselle Primrose, d'un air décidé. Non, non, ma chère petite, sois tranquille. Je te verrai, tu me verras, tu verras Ram et Pélagie. J'ai aussi mes petits projets, moi. Et je vexerai ce seigneur Pacha, qui veut nous vexer pour venger son cher fils, de la honte qu'il s'est attiré par sa scélératesse. Ah, mon beau cousin, vous voulez nous punir, nous affliger tous du même coup de filet. Du tout, je ne vous laisserai pas faire, je suis là, moi. Voici ce que je vais faire. Je vais prendre une maison à Auteuil, à la porte de Paris. Je vais m'y installer avec toi, avec Pélagie, Azéma et Ram. Tu iras en pensionnaire externe chez les dames de l'Assomption, tu mangeras et tu coucheras chez moi. Tu seras tranquille, heureuse. Ton oncle enragera et je me moquerai de lui. Je ne perdrai pas une occasion de le faire enrager. » Geneviève l'embrassant. « Merci, ma bonne cousine, de votre bonne pensée. Mais mon oncle le voudra-t-il ? » Mademoiselle Primrose. « Il faudra bien qu'il le veuille. J'ai sa lettre qui m'autorise à faire de toi ce que je voudrais. Et je veux cela, moi. Il ne peut pas m'en empêcher. » Pélagie. « Mais mademoiselle, permettez-moi de vous faire observer que ce sera un établissement bien cher. Votre fortune pourra-t-elle suffire à la dépense ? » Mademoiselle Primrose. « Soyez tranquille là-dessus, ma bonne Pélagie. D'abord, j'ai 20 000 livres de rente à moi. Et puis, ne doit-il pas payer, lui, l'entretien de sa pupille ? Je lui ferai payer 15 000 francs par an pour elle et ses gens. Et nous verrons s'il osera les refuser avec la fortune qu'elle possède. Je suis contente d'avoir trouvé cela. » « Azéma, Azéma, venez vite !» Azéma entra. « Que veut mademoiselle ?» Mademoiselle Primrose. « Je veux, ma chère, que vous alliez demain matin à Paris. Vous irez à Auteuil. Vous courrez toutes les rues qui se trouvent près du couvent de l'Assomption. Vous entrerez dans toutes les maisons à louer. Il m'en faut une qui puisse contenir une dame avec une petite fille de 10 à 12 ans, une bonne, une femme de chambre et un domestique. Il faut une salle à manger, un salon, des chambres à coucher, une salle d'études et le reste. Vous comprenez ? » Azéma. « Oui, mademoiselle. » Mademoiselle Primrose. « Si vous trouvez une maison avec un jardin, ce sera mieux. » Azéma. « Oui, mademoiselle. » Mademoiselle Primrose. « Il faut une cuisine, une antichambre, cave à vin, cave à bois, grenier. Vous comprenez ? » Azéma. « Oui, mademoiselle. » Mademoiselle Primrose. « C'est bien. Vous prendrez le chemin de fer de 7 heures demain matin. Vous reviendrez le soir. » « Plus tôt, si vous avez trouvé ce que je vous demande, vous comprenez ?» Azéma. « Ce n'est pas difficile à comprendre, mademoiselle, à moins d'être une idiote, ce que je ne suis pas, Dieu merci. » mademoiselle Primrose. Vous pourriez vous dispenser de dire tant de paroles inutiles. Un oui, mademoiselle, aurait suffi. Mais je ne peux pas vous corriger de cette mauvaise habitude de parler, parler toujours, dire sans parole pour une. Azéma. Mais je ne parle pas comme dit mademoiselle. D'abord, cela me serait difficile, car c'est mademoiselle qui a toujours la parole. C'est à peine si je puis placer un mot. Mademoiselle Primrose. Peut-on s'abuser à ce point, moi qui ne parle presque pas, au point que je me reproche souvent de ne pas assez parler? Azéma. Mademoiselle peut avoir la conscience tranquille sur ce point. Elle parle assez, Dieu merci. Mademoiselle Primrose. Vous devenez impertinente, Azéma. Voilà ce que c'est que de trop parler. On finit toujours par dire des sottises. Comme il est vrai qu'on ne connaît jamais assez ses défauts. Azéma n'osa pas répliquer. Elle quitta la chambre. Mademoiselle Primrose expliqua plus longuement ses intentions à Geneviève et à Pélagie, qui cherchaient vainement à placer quelques mots. Mademoiselle Primrose, excitée par l'irritation qu'elle éprouvait de la conduite de M. Dormer, parla jusqu'au dîner, qui vint heureusement interrompre le bavardage de cette excellente mais bizarre personne.